Bonjour Marie-Hélène, 15h30, Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Île-sur-Suippes, commune septentrionale du département de la Marne, est terre allemande. Village sinistré, décoré de la Croix de Guerre, il fut libéré par le 61e bataillon de tirailleurs sénégalais 37 jours avant l'armistice. Un siècle plus tard, bien des mémoires ont disparu ou se sont estompées. Pourtant, sa terre emporte encore les traces exhumées par les archéologues à l'occasion de grands travaux. Pour voir ce qui sortait de terre, j'ai, sur le terrain, rencontré Yves Desfossés, conservateur régional de l'archéologie, et Bruno Duchesne, archéologue à l'INRAP. Yves Desfossés, Île-sur-Suippes, ça vous dit quelque chose durant la guerre de 14 ? Ça me dit quelque chose parce que c'est entre Reims et Charleville-Mézières, donc on est dans les zones arrière du front allemand. Ça me dit rien de très très particulier au départ parce qu'on est dans une énorme organisation défensive, donc avec la première ligne de front devant Reims et puis une succession de 4 ou 5 lignes défensives sur 8 à 10 km en profondeur et avec des zones logistiques implantées un peu partout dans la grande plaine qui est maintenant céréalière ou betteravière. Mais il y a forcément eu une implantation allemande pendant la Grande Guerre. Durant la Grande Guerre, nous sommes en permanence du côté allemand ou il y a des fluctuations d'un côté, le front bougeant au fur et à mesure des événements et des batailles ? Alors, de la mi-septembre 1914 au 29 septembre 1918, on sera vraiment en secteur allemand. Au 29 septembre 1918, l'offensive française démarre et donc les arrière-fronts vont être dégagés dans les semaines qui suivent. Mais pendant plus de 4 ans, on est dans un secteur qui est totalement aux mains des Allemands et qui ne va pas bouger. C'est d'ailleurs une des rares zones qui reste entièrement allemande, puisque dans d'autres régions, on voit très bien ce front bouger énormément. Alors, on a l'impression que le front bouge, mais en fait, tout au long de la guerre, les offensives vont avoir des gains de terrain assez minimes, sauf pendant l'année 1918, où au printemps, on va avoir les grandes offensives allemandes, et à la fin de l'année, la grande offensive alliée qui va permettre de libérer quasiment l'ensemble du territoire national. Pourquoi fouiller ici ? Alors pourquoi fouiller ici ? Au départ, on était sur une occupation gauloise tardive ou gallo-romaine précoce. Et puis, entre les structures attribuables à cette occupation qui a à peu près 2000 ans, ont commencé à apparaître des structures beaucoup plus récentes, donc en liaison avec la Grande Guerre. Et comme on le subodorait au regard du secteur qui était diagnostiqué, on a des zones logistiques aménagées pendant la Grande Guerre, donc avec des bâtiments semi-enterrés, des fonds de cabane, hein, comme pour la période mérovingienne, en un peu plus développé, et puis des dépotoirs avec du matériel relatif à l'occupation allemande. Cette archéologie de la guerre de 14, elle commence à peu près dans les années 1980, c'est assez récent ? Alors c'est assez récent, elle va avoir 25 ans, hein, le bel âge, et puis le temps de définir finalement les problématiques de recherche qui vont être doubles, à la fois sur la mort quotidienne, qui est malheureusement le lot de tous les combattants en ligne de front, et puis surtout la vie quotidienne, puisqu'on s'aperçoit qu'elle est assez mal renseignée par l'énorme documentation de la Grande Guerre. On n'a pas décrit ce qu'on mangeait, dans quoi on mangeait, enfin les gestes de vraiment la vie quotidienne dans ce qu'elle a plus anodin sont finalement les moins bien connus de la Grande Guerre. Donc on va aller plutôt sur ce type d'informations. Yves Desfossés, cela veut dire que vous ne fouillez pas de tranchées ? On fouille assez rarement des tranchées dans la mesure où la tranchée, qui est un peu la structure emblématique de la Grande Guerre, est très connue. Elle a aussi un gros désavantage, c'est qu'on retrouve énormément de munitions actives dans les tranchées. Donc c'est quelque chose finalement sur lequel on ne va pas avoir d'informations nouvelles et on va avoir plus de désagréments que de résultats. Donc on se concentre plus sur la vie quotidienne des soldats, mais plutôt dans les zones arrières, au repos, où là finalement on a des structures qui ne sont pas bouleversées par les combats incessants qui ont lieu sur le front, qui sont les mieux préservées et qui vont livrer le matériel le plus intéressant. Où se trouve exactement le front là où nous sommes, à Île-sur-Suippes ? Alors à Isle-sur-Suippes, on est à une bonne dizaine de kilomètres du front. Donc on est à la fois dans une zone qui est relativement tranquille, mais quand même à portée de l'artillerie lourde française. Donc peut-être pas une zone de cantonnement dans la mesure où il peut toujours tomber quelques obus. Plutôt une zone logistique où vont stationner quelques soldats qui vont à la fois alimenter les nombreux trains qui vont amener le matériel, bois, munitions, fil de fer barbelé, tôle pour abri sur le front, donc un peu une zone logistique où on va stocker du matériel, l'emmener, en récupérer de l'arrière-front. Mais si les soldats partent au repos, ils vont repartir un peu plus loin pour être dans un secteur plus tranquille. Donc la grosse crête sombre que l'on voit tout là-bas, c'est par exemple la ligne de front où s'affrontent Allemands et Français ? Alors la grande crête qu'on voit, c'est le mont de Béru, et en fait les Allemands, quand ils vont évacuer Reims le 13 septembre 1914, vont se mettre sur les pentes orientées au sud du mont de Béru dans une position topographique avantageuse, puisque les Français seront en contrebas pendant les 4 ans de la guerre. Donc le front, oui, là, c'est à peine une dizaine de kilomètres. Et cette zone-là, elle n'a jamais été fouillée ? Alors, elle n'est pas encore fouillée, mais on a fait des diagnostics parce qu'on est aux alentours de la ville de Reims qui a tendance à s'étendre maintenant dans ces zones d'activité. Donc, il y a un peu plus de 2 ans, on a fait un diagnostic sur la ZAC Saint-Léonard où on a eu des lignes de front. Là, on était sur la ligne de front côté français, mais certaines structures se sont quand même avérées être intéressantes, du moins du point de vue des archéologues, puisqu'on a retrouvé des corps de soldats qui avaient été tués très exactement le 26 septembre 1914 et enterrés rapidement dans des toutes petites tranchées, donc en fait des proto-tranchées du début de la guerre. Et on a aussi une ligne de tranchées française d'octobre 1914. Donc là encore, des structures qui sont mal renseignées, parce qu'on est dans un espèce de moment où on découvre la guerre de tranchées. On va s'orienter vers des tranchées beaucoup plus massives, plus importantes, et finalement, ces premières structures sont assez mal connues. Donc normalement, quand la ZAC s'implantera définitivement, le diagnostic est fait, mais on a 2 fouilles de contrôle sur ces structures-là, mais toujours sur des problématiques spécifiques, donc la mort quotidienne côté petite sépulture de catastrophe, et puis aussi la vie quotidienne dans les toutes premières tranchées de la guerre. Où meurt d'ailleurs le Grand Maune, Alain Fournier, septembre 1914, et puis le grand protohistorien Joseph Deschelette, 4 octobre 1914. On s'aperçoit au regard des pertes, par exemple, de l'armée française, que les 5 mois de guerre de 1914 vont être les plus catastrophiques pour l'armée. Il y a 300 000 morts. 1915, ça sera 330 000 morts, mais sur 12 mois. Et la guerre de tranchées va faire que les soldats sont plus protégés. Donc on a une baisse des quantités de soldats tués. Et par contre, le tout début de la guerre est quand même une hécatombe qu'on retrouve nous aussi sur le terrain, puisqu'on retrouve plus souvent des tués des premiers mois de guerre que des tués de la guerre de tranchées, où là, en plus, les conditions de combat permettent assez souvent de récupérer les corps. Encore qu'il en manque 670 000 sur l'ensemble du front ouest, toutes nationalités confondues. Donc les archéologues ont là encore un champ d'investigation énorme. S'il y a tant de morts, c'est bien sûr à cause de la violence des combats. C'est aussi peut-être parce que les lois de la guerre ne sont pas encore définies. La guerre prend une forme un peu nouvelle et qu'on n'a pas pratiquée. Donc on va retrouver d'énormes effectifs à découvert dans une guerre de mouvement qui vont se faire faucher par une artillerie qui est devenue, depuis les années 1890, extrêmement efficace. Donc là, on va perdre beaucoup de monde. Et la guerre de tranchées va justement être là pour essayer de réduire ces pertes. Donc le soldat s'enterre, il est finalement assez bien protégé par la tranchée. Mais là encore, l'industrialisation de la guerre va faire que les pertes seront quand même très très conséquentes, avec l'apparition de l'artillerie lourde en grande quantité qui va remuer complètement les terrains de combat, la zone de front, mais dans les tranchées. Et les pertes vont à nouveau augmenter quand on va reprendre en 1918 la guerre en terrain découvert. La tranchée ne protège plus le soldat. Alors nous sommes donc sur un chantier archéologique et devant nous des sortes de grandes fosses quadrangulaires, c'est bien ça ? Voilà, ben on a en fait un... une espèce de prolongation des fonds de cabane mérovingiens. Hein, sont des structures excavées dans lesquelles était installé un bâtiment qu'on interprète ici plutôt comme une soute à munitions au regard du contexte général de la zone et puis du matériel qui a été retrouvé dans le remplissage de ces structures. En plus, elles sont espacées d'une quinzaine de mètres. On en a 5 qui sont parfaitement alignées. Donc là encore, sont des structures qu'on connaît mal parce qu'elles n'ont pas été décrites à l'époque. Et donc l'étude permet de préciser leur mode de construction et leur utilisation. Alors c'est bien sûr une sorte de grande fosse dans la craie, on va dire quadrangulaire, une sorte de petit escalier en bois, et puis des sortes de bastings sur les côtés pour consolider la base. Alors, d'après ce qu'on en voit à l'heure actuelle, hein, mais la fouille est encore en cours, donc on pourra avoir des interprétations peut-être divergentes ou complémentaires après, on a effectivement une structure en poutre de bois qui est posée au fond de la structure, et on a retrouvé aussi des clavettes de serrage de tôle cintrée. Donc moi j'imaginerais bien une espèce de soute à munitions dans un espèce d'abri sous tôle, avec peut-être un remblai au-dessus pour protéger et camoufler la structure, et un escalier d'accès qui permet de stocker les munitions, de les descendre et les ressortir de manière un peu pratique et plus facile que si on devait les descendre à quasiment un mètre de profondeur à la main. Quelle munition peut-il s'agir ? Là, ça peut être de la munition légère comme de la munition d'artillerie. Après les combats, toutes ces structures-là ont été nettoyées. Les tôles ont été récupérées certainement pour terminer en abri de jardin ou en abri pour les animaux. Donc en fait, on a la structure, mais qui a été complètement récupérée. On n'a pas le remplissage. Alors d'un autre côté, les Allemands avaient peut-être vidé leur dépôt de munitions avant d'évacuer la zone. Ou les Français, quand ils ont repris la zone, ont enlevé les stocks pour aller les détruire un peu plus loin. En tout cas, pas un obus. On peut imaginer que ces obus étaient stockés un peu à l'arrière pour être ensuite transportés sur le front. Alors là, il y a de toute façon des stocks à l'arrière pour alimenter le front de manière très régulière, qui est un gros consommateur de munitions d'artillerie. Et on fait aussi des concentrations en prévision des offensives. La dernière offensive allemande sur Reims étant le 15 juillet 1918 avec un barrage d'artillerie monstrueux. Donc on a certainement accumulé des stocks de munitions qui sont d'autant plus facilement déplaçables qu'on est à proximité immédiate de voies ferrées qui permettent de les emmener sur le front dans des délais extrêmement courts. Là, les batteries peuvent être réalimentées en une demi-heure. Est-ce que vous en aviez la trace matérielle par quelques textes ou quelques photographies d'époque ? Alors, on n'a pas de texte parce que, comme ce sont des structures vraiment anodines pour l'époque, elles ne sont pas franchement décrites. Par contre, on a les canevas de tir français pour cette période-là. Et on sait que dans ce secteur, il y a des petits bâtiments qui ont été repérés par avion et qui sont reportés sur les plans. Ce sont des espèces de petits carrés bleus qui sont éloignés les uns des autres. Donc, ça ressemble vraiment à de la soute à munitions. Voilà. Mais sans précision complémentaire. Le plan se contentant de pointer la présence de bâtiments ou du moins de choses repérables dans ce secteur-là. Alors à nos pieds, bien sûr, pas de munitions, mais une sorte de vieille ferraille, dirais-je. Voilà, ben, il y a toute la ferraille. Alors là, ce n'est pas la ferraille du champ de bataille, mais on est dans une guerre industrielle avec ces fils barbelés, ces fils de fer, ces clous aussi qui proviennent des charpentes et des bois utilisés dans la cabane, notamment pour fixer les tôles. On a un peu derrière une clavette d'assemblage de tôles ondulées. Enfin, tous les restes qui n'ont pas trouvé preneur quand la structure a été récupérée. Les soldats allemands ont vécu ici. On peut penser qu'ils étaient cantonnés. Combien y en aurait-il eu à peu près ? C'est pas franchement une zone de cantonnement dans l'acceptation d'un cantonnement pour des troupes par exemple d'infanterie qui seraient hors pot, mais la gestion de ces stocks de munitions suppose la présence d'unités logistiques, hein, des pionniers généralement, qui gèrent ces stocks-là. Donc on peut imaginer, on a à 100 mètres de nous, on a un petit ruisseau avec une très belle bande arborée qui existait déjà à l'époque, donc on peut penser que les soldats sont plutôt cachés, enfin du moins ont caché leur cantonnement qui ne devait pas être très nombreux dans le rideau d'arbres, et les fosses dépotoirs qui sont à côté des soutes à munitions contiennent aussi de la vaisselle civile, des tas d'objets de la vie quotidienne, donc les gens ont vécu ici, ça il n'y a pas de... de doute là-dessus, mais pas au sens strict du terme d'un cantonnement, d'une unité organisée. C'est plutôt des logisticiens qui sont là pour charger les trains de munitions quand on en a besoin, pour décharger les bois et le barbelé qui vont partir sur le front un peu plus tard. Donc toute une zone logistique et puis quelques dizaines d'hommes qui se répartissent sur la surface. On est quand même assez près du front, hein, on est à une dizaine de kilomètres. Donc en 1918, il y a quand même une artillerie lourde qui peut tirer à assez longue portée, donc on ne va pas stationner des troupes nombreuses au même endroit, donc là c'est quelque chose de disséminé dans la plaine. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. En tout cas, on sait qu'il y a eu au moins un régiment implanté ici, puisqu'on aurait retrouvé une sorte de plaque avec le nom donc, du régiment allemand. Alors, ce régiment-là n'a pas du tout stationné ici. En fait, c'est une interprétation un peu rapide d'une découverte dans un des dépotoirs. C'est en fait le couvercle d'un poêle en fonte qui porte la marque de la deuxième compagnie de Landwehr. Alors la Landwehr, c'est l'équivalent de la territoriale chez les Français, qui appartient au 8e corps d'armée. Et en fait, on sait que c'est une unité qui a rouvert une fonderie civile à Monthermé. Alors Monthermé, c'est 10 km au nord de Charleville, 70 km dans notre dos. Et en fait, cette compagnie a produit des poêles pour envoyer sur le front, pour que les soldats dans leur cagna puissent se chauffer. Donc on a effectivement un numéro de compagnie, mais ce sont des gens qui ne sont jamais passés ici. À l'inverse, les dépotoirs, on a des plaques d'identité qui ont été rejetées et qui apparemment sont complètes, donc on va peut-être pouvoir identifier les gens qui étaient là parce qu'ils se sont débarrassés de plaques d'identité usagées où il y avait peut-être trop de marquages, donc ils n'étaient plus réutilisables. Et donc là, peut-être, on va avoir un premier élément de solution à qui sont les gens qui ont stationné ici. Donc cette plaque inscrite de fourneaux allemands est un vrai piège pour les archéologues, puisqu'on pourrait les retrouver à peu près n'importe où. Alors c'est, je dirais, ça pourrait être un piège, mais là encore, et c'est la dualité de l'archéologie de la Grande Guerre, c'est qu'il faut fonctionner en connaissant aussi toute la documentation parallèle qui existe sur cette période. Et finalement, l'information, quand on l'a sorti cette plaque-là, on avait déjà finalement l'explication de la présence de cette inscription sur cette plaque de foyer. Donc là, c'est toujours, de toute façon, la confrontation à la fois de sources écrites, iconographiques, photographiques et des sources de terrain. Et c'est ça qui fait que on choisit finalement de mieux en mieux nos interventions sur le terrain en fonction de cette connaissance d'une littérature, on va dire, très abondante, et sa confrontation avec le terrain, et les archéologues vont aller plutôt là où finalement on a peu d'informations dans la bibliographie standard de la Grande Guerre. Yves Desfossés, pour vous, l'archéologie de la guerre de 1914, est-ce que ça a du sens ? Pour moi, ça a du sens. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'archéologues qui ont commencé à faire de l'archéologie de la Grande Guerre parce que derrière, ils avaient, on a tous un patrimoine commun sur la Grande Guerre et puis aussi un vécu individuel, des familles qui ont été plus ou moins marquées par la Grande Guerre. Donc, il y a certainement un rapport fort avec la période pour les gens qui l'ont pratiqué au départ. Je dirais que maintenant qu'on a un peu défriché et donné du sens scientifique aux recherches, de plus en plus de personnes adhèrent. Mais pour moi, l'archéologie de la Grande Guerre, elle a cette petite touche en plus qui fait son intérêt. C'est qu'on est dans une recherche qui ne se fait pas uniquement entre scientifiques, c'est qu'en fait, beaucoup de gens se revendiquent aussi de cette période et nous donnent leur avis sur cette période. Donc on est confronté à des approches différentes de la Grande Guerre et c'est ça qui donne aussi le sel à ces recherches. Moi, je crois que surtout que vous êtes dans la matérialité de cette guerre par rapport au texte. C'est peut-être aussi ce petit supplément d'âme qu'a l'archéologie de la Grande Guerre, c'est qu'on est aussi les pieds dans la boue, qu'on touche cette matérialité de manière souvent poignante, notamment quand on redécouvre des corps de soldats de l'époque, parce que là aussi, ça fait appel à notre mémoire collective et individuelle. Moi, ce sont des gens que j'ai connus sous l'aspect de vieux monsieur qui avait 80 ou 90 ans et qu'on retrouve, en fait, ce sont leurs compagnons d'armes, mais qui sont, eux, morts à 20-25 ans. Donc ça, c'est aussi toujours poignant, la fouille d'une sépulture de la Grande Guerre est toujours un moment plus, je dirais, plus fort pour un archéologue que la fouille d'un Romain ou d'un Gaulois dont on a peu de chance de voir arriver le petit-fils pour vous dire que c'était son grand-père qui était dans la fosse. Voilà. Vous en avez rendu beaucoup. Récemment, il y a eu le soldat Babé qui a été réinhumé. C'est toujours des moments très forts, donc. Alors là, c'est aussi des moments où cette archéologie, justement, a des prolongations dans la vie civile, on va dire, où ces moments d'hommage national qui sont d'autant plus importants ces temps-ci qu'on est en plein dans le centenaire de la Grande Guerre. Là, on touche vraiment à la matérialité de cette guerre qui a été une immense boucherie. On a sacrifié une génération d'hommes dans les plaines de l'Artois ou les côtes de Champagne. C'est quelque chose de très fort. Ça, c'est sûr. Et on est amené à en retrouver très régulièrement. Il manque à peu près 670 000 corps de combattants sur l'ensemble du front ouest. Donc les archéologues, chaque année, vont trouver 5, 10, 20 corps de soldats qui sont souvent déposés dans l'urgence. Donc on touche aussi au caractère particulièrement inhumain de cette guerre, où on va voir souvent les soldats essayer de donner une sépulture décente à leurs compagnons de combat et d'infortune. Mais les événements à ce moment-là empêchent ce geste, je dirais funéraire, mais de base, d'hommage de base. Et donc, on touche vraiment la Grande Guerre dans ce qu'elle a de plus horrible, et c'est le plus poignant. Yves Desfossé, les historiens, bien sûr, ont énormément et travaillé énormément sur la guerre de 14. Est-ce que les archéologues ont les problématiques des historiens ? Non, on est sur d'autres problématiques. Comme on le disait, on est un peu plus les pieds dans la boue et dans le concret. C'est vrai que l'historien va s'attaquer à des archives qui ont, je dirais, un côté de toute façon interprétatif. Hein. Aucune archive n'est vraiment objective. Alors que l'archéologue, lui, va être confronté à la réalité de terrain. Donc on est sur deux mondes un peu différents, mais deux mondes qui peuvent se rencontrer. Comme les archéologues rencontrent aussi les gens qui travaillent sur la mémoire de la Grande Guerre, par l'animation notamment de sites très locaux, et on rencontre des gens qui ont une très grande connaissance de la Grande Guerre très localement, avec qui les échanges sont extrêmement riches, parce qu'ils nous apportent une expérience de plusieurs dizaines d'années et une connaissance d'un contexte très abouti. C'est ça aussi qui fait l'intérêt des recherches, c'est qu'il faut croiser énormément de choses, c'est-à-dire que l'archéologue ne va pas se contenter de ce qu'il a trouvé sur le terrain, mais qu'il faut qui croit ça avec les archives et aussi la mémoire qui est toujours assez vivante dans certains secteurs de la ligne de front de la Grande Guerre. Bruno Duchesne, nous ne sommes pas bien sûr sur la ligne de front, mais quand même la vie devait être plus douce ici qu'à quelques kilomètres. C'est effectivement, quand on pourrait appeler ça camp de repos, mais c'est un terme un petit peu péjoratif pour le soldat. Mais effectivement, pour lui, du moment qu'il n'est pas dans sa tranchée en première ligne au combat, toutes les positions arrière, on va dire vulgairement que c'est du repos. Effectivement, entre ceux qui sont en première ligne et qui désignent ceux qui sont cachés à l'arrière comme les embusqués, c'est une place enviée. Donc le cuistot qui est à l'arrière, le commis, le train, tous ceux qui ne sont pas au front sont des embusqués. Donc effectivement, dès qu'il retourne à l'arrière, le soldat se ressent en sécurité. Donc effectivement, on va dire grossièrement, c'est plus ou moins du repos. Même si la vie de tous les jours reprend, la vie de caserne, donc l'entraînement des nouvelles recrues, le tir, l'exercice sportif, on va dire toutes les corvées qui sont liées à l'armée, donc ça va être les corvées de ravitaillement, les corvées de, donc que ce soit la nourriture, les munitions, les terrassements pour les tranchées de combat, c'est toute la vie que le soldat va effectuer le long de son service, donc effectivement dès qu'il sort de la zone de combat. Là nous sommes devant une fosse qui a visiblement l'aspect d'une fosse archéologique, et dedans des objets que je reconnais du premier coup d'œil. Alors oui, ces fosses, un peu détritiques, un petit peu de 14-18, sont un petit peu un instantané de la vie des soldats. Donc en théorie, on ne devrait pas rencontrer tous ces objets dans ce genre de fosses. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que l'Allemagne en 14-18 est soumise au blocus des Alliés, donc elle manque de matières premières. Donc les Allemands, au même titre que le pillage dans les villages français où ils récupéraient les métaux et le verre, est renvoyé en Allemagne. Donc le nombre d'objets que l'on a devant cette fosse peut paraître surprenant, mais effectivement, quand un soldat abandonne une position pour aller au front ou qu'il est muté ailleurs, il va enterrer tous ces objets qu'il ne va pas emmener avec lui. Alors bien sûr, il y a des objets complètement détritiques, mais il y a aussi des objets qui auraient pu être réutilisés de façon plus classique. Là, je vois une sorte de petite lampe en cuivre ou en laiton. Oui, dans leur campement, on va retrouver régulièrement des petites lampes à pétrole ou des lampes à huile. Donc ce genre de petite lampe est très fréquente dans les lignes allemandes. On peut apercevoir aussi une pile, parce qu'ils avaient des piles électriques. On va retrouver du matériel un peu plus lourd, parce qu'effectivement on revoit des isolants électriques et des interrupteurs. Il est fort probable qu'il y ait une cabane un petit peu mieux évoluée qui a été construite à côté et que le soldat a reçu l'ordre de la démonter et il a rejeté effectivement dans cette fosse tous les éléments, donc des vitres et des éléments de porte et qui constituent cette petite cabane. Et puis des bouteilles. Et des bouteilles. Alors ça, les bouteilles, on retrouve un petit peu de tout, donc il y a essentiellement des bouteilles de vin, mais des bouteilles d'eau gazeuse sont très fréquentes dans ce genre de fosse. Alors, le vin, en général, c'est plutôt du vin de Moselle. Mais là, il y en a une qui ressemblerait plutôt soit à une bouteille de bière, soit éventuellement une bouteille de vin français. Mais peut-être l'a-t-il acheté. Et tout ça, vous arrivez à bien déterminer les provenances de toutes ces bouteilles, de tous ces objets ? Alors, en général, oui. Parce qu'en fait, c'est assez stéréotypé, les objets. Maintenant, effectivement, entre certains vins de Bordeaux, la forme de la bouteille étant identique, dire si c'est un Bordeaux ou un Médoc, je ne pourrais pas le dire. Il y a aussi des ossements d'animaux, visiblement du gros animal. Oui, on retrouve régulièrement des fragments de gros animaux, donc des ossements de bœuf. C'est ceux que nous voyons le plus souvent. Après, effectivement, nous pouvons retrouver aussi des ossements de moutons, très exceptionnellement des ossements de chevaux. Mais comme très exceptionnellement aussi, des fois un peu de lapin. Effectivement, le lapin qui est passé par là, le soldat, on a fait un petit peu son casse-croûte aussi. Donc ce n'est pas très rare de retrouver plusieurs espèces dans ce genre de fosse également. Et dans celle-là, j'ai même retrouvé une arête de poisson. Alors ce qui est aussi très étonnant, vous venez de la fouiller, vous avez fouillé une grande fosse où on avait un cheval entier ? Oui, alors cette fosse où il y avait un cheval est une tombe. Donc on a volontairement enterré ce cheval, ce n'est pas une fosse de rejet. L'animal a eu le droit à une sépulture comme un être humain. Alors ce n'est pas exceptionnel, sachant qu'effectivement ce n'est pas la première que nous découvrons dans le secteur. Il faut savoir que le cheval était quand même un animal qui avait une importance très forte. Donc soit auprès des paysans, soit auprès de certains officiers. Les caractéristiques que nous avons vues sur ce cheval est un cheval probablement de monte, donc qui a certainement appartenu à un officier. Donc effectivement, que cet officier ait voulu donner une sépulture décente à son animal préféré, entre guillemets, voilà, donc c'est dans ce cas-là. Et le cheval était en quelle position ? Il est allongé sur le côté, la fosse était à la taille du corps du cheval, et nous avons aperçu lors de la fouille que les deux membres gauches étaient cassés. Et après avoir sorti les ossements, un collègue archéozoologue a pu nous dire qu'effectivement, on a retrouvé un éclat d'obus dans la patte du cheval qui l'a blessé, et peut-être mortellement. Alors ce qui est très étonnant aussi, c'est que dans cette fosse, il y avait quantité d'objets ? Oui, alors c'est pareil, cette fosse, elle a eu plusieurs utilisations. Je pense qu'à l'origine, c'était un petit fond de cabane où il y avait une tente dessus, où les soldats se sont installés. Après, cette fosse a été abandonnée et a servi de poubelle. Et effectivement, alors est-ce qu'il y a eu une simultanéité entre la fosse de rejet et l'inhumation du cheval ? C'est assez difficile à dire. Néanmoins, ce qu'on peut quand même dire, c'est que les chevaux de cavalerie n'ont pas servi très longtemps, donc c'est plutôt essentiellement du début de guerre. Les objets que nous avons découverts dedans, dont une pointe de casque en fer, nous évoquent quand même l'année 1915, donc c'est quand même quelque chose d'assez précoce dans le conflit. Malgré tout, le cheval a pu être conservé pendant quelques années encore, mais pour le loisir de l'officier et plus dans le cadre du service. Et alors la plus grande curiosité, c'est un crâne d'ours. Alors, ce crâne est d'autant plus anachronique qu'il présente des traces de taxidermie. Donc, on retrouve différents clous sur le crâne de l'animal. On voit bien encore des traces de découpe, de décarnation au moment de l'empaillage de l'animal. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus surprenant d'avoir un emblème comme ça dans nos fosses. On peut expliquer ça comment ? Un officier allemand, sur son cheval, rentre dans une maison et prend le crâne d'un ours empaillé dans une maison française ? Alors, ça peut être une hypothèse, mais comme effectivement, ça peut être aussi un trophée étendard appartenant à l'officier. Est-ce que ça peut être un trophée de régiment ? N'oublions pas que la guerre n'est aussi un monde de terreur. Et donc, comment effrayer l'adversaire, si ce n'est en ayant un étendard avec un crâne d'ours, ce qui n'est quand même pas l'animal le plus sympathique pour les populations. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré à la guerre d'Espagne. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Kevin Lebars, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster l'émission sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, les nouvelles vagues de Marie Richeux.